没法停吧 No, oh, sama le de de gu Hei ila teo hei ila le he Hei ila ba de hei duru nana Le sa Fau masih